Il y en a qui ont le cœur si large qu'on y entre sans frapper. Il y en a qui ont le cœur si large qu'on n'en voit que la moitié. Il y en a qui ont le cœur si frêle qu'on le briserait du doigt. Il y en a qui ont le cœur trop frêle pour vivre comme toi et moi. Ils ont plein de fleurs dans les yeux à fleurs de peur. De peur de manquer l'heure qui conduit à Paris. Il y en a qui ont le cœur si tendre qui repose les mésanges. Il y en a qui ont le cœur trop tendre, moitié homme et moitié ange. Il y en a qui ont le cœur si vaste qu'ils sont toujours en voyage. Il y en a qui ont le cœur trop vaste pour se priver de mirages. Sont pleines fleurs dans les yeux à fleurs de de peur de manquer l'heure qui conduit à Paris. Il y en a qui ont le cœur dehors et ne peuvent que l'offrir, le cœur tellement dehors qu'ils sont tous à s'en servir. Celui-là a le cœur dehors et si frêle et si tendre que maudits soient les arbres morts qui ne pourraient point l'entendre. À pleine fleur dans les yeux à fleurs de peur de manquer l'heure qui conduit à Paris.